Soweto, écoute ce chant, écoute Soweto, des enfants dans le silence de la nuit renaît. Soweto, Soweto, Soweto, Soweto. S'arracher des médailles, la faim rongeait tes hanches, meurtrie enfant de Soweto. Il y avait dans tes yeux comme des larmes et des feux de haine. Il y avait près de toi tant d'innocents tués par les racistes. Écoute Soweto, écoute ce chant, écoute Soweto, des enfants. Pendant qu'ils savouraient si fier les soleils de ta terre, dans les mines rivées à ta pioche depuis déjà longtemps, tu vivais ces heures-là qu'on dit douces et si belles dans les poèmes, à creuser dans l'abîme loin du temps le bonheur de leurs enfants. Écoute Soweto, écoute ce chant, écoute Soweto. Dans le silence de la nuit renaît. Soweto, Soweto, Soweto, Soweto, Soweto, Soweto, Soweto, Soweto, Soweto. Des peines enfants de Soweto, il n'y aura camarade dans ton cœur que l'écho des palmes au vent, qui au petit matin diront des mots nouveaux, des mots d'amour. Écoute Soweto, écoute ce chant.